Chapitre 131 Welcome to Sin City. La rencontre entre Killer Crush 23 et le fameux joueur est rapide. Ce dernier ne souhaite pas être connu. Son peuple a tellement souffert qu'il n'a pas envie d'attiser la haine, de jeter de l'huile sur le feu. De plus, le Québec ne l'a jamais défendu. Pourquoi irait-il défendre ce pays? Mais Killer Crush 23 lui demande juste de jouer au football et d'exploiter son talent à fond. Il a de gros projets pour lui. Le mondial commence dans 2 mois et demi. Il lui a négocié un prêt dans une franchise de la Majesty Soccer League américaine. L'objectif est de côtoyer le haut niveau afin de ne donner aucun doute à sa future sélection au Québec. Pour Killer Crush 23, les gens ne regarderont que son football et non ses origines. Ils penseront qu'il est la dernière chance du Québec pour aller s'imposer, dans un premier temps, face à la Chine et à la Belgique. Le jeune Iroquois semble emballé par la pige proposée aux États-Unis, et puis arrivera ce qu'il arrivera. Dans les minutes qui suivent, les Golden Stars de Las Vegas officialisent le prêt du joueur venant de Wendake. Il a un match à jouer dès le lendemain et devrait débuter sur le banc. S'il veut une suite à cette jolie histoire, il doit s'imposer balle au pied. Killer Crush 23 est confiant et pense même le sélectionner pour le prochain stage à Gatineau, donc non soumis au vote des internautes, qui se conclura avec une rencontre de préparation contre la sélection d'Alaska. Cela aidera pour la médiatisation du joueur en vue de la prochaine rencontre officielle, 1 mois avant le mondial contre les États-Unis. En attendant, l'attaquant québécois doit faire ses armes dans cette prestigieuse ligue. Ce championnat souhaite devenir le meilleur dans sa catégorie. Après le mondial, la dernière phase de la Ligue devrait se jouer sur Mars. Cette dernière affirmation semble être comprise suite à des dysfonctionnements logistiques. Opposé lors de son premier match au Metro Stars de New York, la nouvelle franchise de l'international québécois en devenir aura fort à faire. De son côté, il est entré en jeu et n'a pas pu confirmer les bonnes choses que Killer Crush 23 a vues. Sûrement tétanisé, il a joué avec le frein. Il aura droit à une seconde chance. Killer Crush 23 a beaucoup à gagner, mais peut perdre en crédibilité après avoir recommandé ce joueur décevant pour le moment. Les Golden Stars de Vegas n'ont pas envie de perdre de temps et laissent un dernier quart d'heure au Killer Guy. Il est positionné avant-centre pour ce bout de match contre une autre équipe de New York, les Yankees. Il n'a plus le choix et doit briller. La formation de Vegas est menée au score par 1 but d'écart et est dans l'obligation d'égaliser afin d'arracher une séance de tir au but américain. Lancé en profondeur, l'attaquant iroquois ne se fait pas prier. Il adresse un somptueux lob sur le gardien new-yorkais et fait trembler les filets. Son objectif était de marquer dans le quart d'heure qui lui était offert. Il l'a fait en 38 secondes. Les GSV n'iront même pas jusqu'au tir au but, puisque le nouvel attaquant vedette a décidé de marquer un triplé, synonyme de victoire éclatante. Les espoirs qui sont sur ses épaules ont été confirmés. On parle du nouveau phénomène, mais le Québec semble bouder son éventuel sélectionnable. Chapitre 132 Le ballon pour oublier. Le Québec passe à côté de ce joueur. Les médias boycottent volontairement les performances d'un membre du peuple pestiféré. Pour eux, ces gens ne peuvent pas réussir et faire vibrer la foule. La colère des puristes est plus forte encore lorsqu'elle apprend que Killer Crush 23 a emmené avec lui ce joueur qui est devenu une star dans le pays de l'oncle Sam. Après 8 rencontres avec les Golden Stars, il en est à 9 réalisations. Difficile de se passer d'un buteur pareil pour le mondial. Cela n'est pas vraiment l'avis de la grande majorité des Québécois. Cependant, Killer Crush 23 a communiqué sa liste des joueurs retenus pour le stage à Gatineau et notamment le match contre l'Alaska. L'attaquant iroquois en fait partie. Comment va se passer l'arrivée de celui-ci dans l'effectif? Va-t-il être accepté par ses coéquipiers? Comment vont réagir les supporters présents en masse à chaque entraînement? Les mentalités ont beaucoup de mal à bouger malgré le talent incontestable de l'étranger. Les premiers jours du stage sont très difficiles pour le Wendate. Seul Killer Crush 23, Romain, Totov 76 et Caribou 123 lui adressent la parole. Les autres joueurs sont très distants. Certains hésitent même à lui passer le ballon. Pendant les entraînements, il est le seul joueur non sollicité par les supporters pour des photos et autographes. L'Iroquois veut tout abandonner. Mais Killer Crush 23 lui demande d'attendre après le match pour prendre sa décision. Ce fameux match est enfin arrivé et le rookie est sur le banc. Alors que le Québec est mené, Killer Crush 23 lui demande d'aller s'échauffer. À la vue de ceci, une bronca se fait entendre. Il fait ses exercices en tentant d'éviter les projectiles. Il est en pleurs, car il est pris à partie par un groupe de supporters. Personne ne bouge pour le défendre, même Killer Crush 23 a peur de s'interposer. Mais il décide de le faire entrer en jeu. Est-ce une bonne idée? Le coordinateur n'a pas d'autre choix. Un titulaire est sur les rotules et il ne reste plus que lui sur le banc. C'est l'heure fatidique. L'Iroquois se lève et fait vérifier ses crampons. On n'entend qu'une chose venant des tribunes. « Dehors !» Les larmes continuent de couler sur les joues du nouvel international. Dans cet état, il est très difficile de jouer au football. Mais le caractère que s'est forgé l'attaquant durant ses années de persécution lui permet de continuer. Le Québec obtient un corner, l'Iroquois s'élève et reprend le ballon de la tête. Le ballon part trop haut et atterrit hors cadre. Les supporters en profitent pour appuyer un peu plus leur sifflet. Effondré, le Québécois se couche sur la pelouse en pleurant. Il se relève et va voir son coordinateur, Killer Crush 23. Il ne souhaite pas continuer, mais son mentor refuse. A-t-il raison? Sur l'action suivante, le joueur des Golden Stars de Vegas part seul au but, place le ballon entre les jambes du portier adverse. Il égalise et saute de joie. Au lieu de fêter ce but, les supporters continuent de siffler. Malgré ce but très important, le caractère honteux des supporters n'a pas changé. L'Iroquois quitte le terrain en jetant le maillot au sol. C'est la fin de l'aventure pour lui. Réduit à 10 sur le terrain après ce départ volontaire, le Québec n'a plus le choix d'être en infériorité numérique. Étant une rencontre non officielle, n'importe qui peut entrer sur la pelouse. Le maillot jeté par l'Iroquois est ramassé par quelqu'un. Le Québec a une recrue mystérieuse. Chapitre 133. Un sauveur fragile. Le maillot frappé du numéro 16 est porté par un joueur. Mais qui est-ce? Le Québec a-t-il trouvé un éventuel remplaçant à Kobe? Est-ce le retour de ce dernier? Le recrutement des observateurs québécois a tellement été décevant qu'ils n'ont pu sortir que des seconds couteaux. Le seul capable de faire trembler les grandes nations n'a pas été adopté par le public et a quitté définitivement la sélection québécoise. Qui est ce joker pour les 10 dernières minutes? L'arbitre assistant regarde les crampons de ce numéro, cher à un joueur tel que Roy Keane. C'est l'entrée de Killer Crush 23. Déjà international avant la sélection française, il ne pourra pas défendre le Québec au prochain mondial, mais il peut venir participer à cette fin de match. Il demande au portier de lui donner ses gants afin d'occuper la cage québécoise. Un bon parti pour l'ancien joueur. Le Québec et l'Alaska sont à égalité et il reste 10 minutes. Un attaquant alaskien part seul au but, un énorme trou a été fait dans la défense québécoise. Le buteur de la dernière frontière est face à Killer Crush 23. Le gardien improvisé se jette dans les pieds de son adversaire. C'est un kamikaze. Le Toulousain met le ballon en corner, mais reste au sol. Il est conscient, mais il se tient les chevilles. Éloigné des terrains il y a 3 ans à cause de cette même blessure, Killer Crush 23 continue à avoir une douleur. Il tient tout de même à finir son match, mais après la rencontre, il passera par la case infirmerie pour voir si cela n'est pas trop grave. Avoir des chevilles aussi fragiles à son âge est inquiétant. Pourquoi est-il si fébrile? Les médecins auront peut-être une réponse. La rencontre se termine sur un score de parité, sans séance de tir au but. Les joueurs de l'Alaska viennent aux nouvelles du coordinateur. Ils n'avaient aucune intention de blesser ce dernier. Killer Crush 23 n'en veut à personne. Il sait que depuis son mondial 2050, il est très fragile. Sa carrière a été écourtée à cause de cela. Il compte sur les médecins pour voir la cause de tout ça. Après le match, un membre du staff médical de l'Intal Blaugrana demande de rencontrer le coordinateur québécois. Il peut l'aider, et à une piste concernant les chevilles vulnérables du Toulousain. Chapitre 134. Un simple hasard. Killer Crush 23 est stressé et attend l'arrivée du médecin espagnol. Il s'imagine les pires choses, mais sait que la vérité est ailleurs. Les différents staffs médicaux sont restés jusque-là impuissants face aux fébrilités des chevilles du Toulousain. Ils sont également présents et espèrent trouver un remède aux maux de Killer Crush 23. Qu'est-ce qui a pu arriver au coordinateur il y a 3 ans lorsqu'il a décidé d'arrêter sa carrière suite à sa grosse blessure? Le spécialiste est arrivé à Montréal et salue les Québécois. Pour commencer, il félicite ceux-ci pour leur qualification au Mondial 2056. Il se dirige vers Killer Crush 23 et lui indique qu'il a peut-être la réponse à ses questions. Il propose dans un premier temps de regarder une vidéo retraçant la carrière du coordinateur du Québec. Ce mode opératoire agace le staff local, mais ça plaît à Killer Crush 23. Tout est revu, et notamment la finale du Mondial 2050 contre la Chine. Le médecin présente ensuite son CV personnel. Il a commencé en tant que médecin du Finosa Valencia, puis de l'Intal Blograna. En 2058, il a été rapatrié par la sélection chinoise pour encadrer les représentants de la Grande Muraille. Il a quitté l'équipage chinois il y a 2 ans. Il a donc vu plusieurs joueurs se succéder durant ces 6 ans. L'équipe qu'il l'a plus intégrée a porté le maillot rouge et jaune en 2050. C'est cette même équipe qui a battu l'équipe de France où évoluait un certain Killer Crush 23. Après cette jolie victoire, la totalité de l'effectif a été changée. 2 mois après le titre, la sélection chinoise ne comptait plus aucun champion du monde. Et pour cause, chacun enchaînait des pépins physiques. 4 mois plus tard, plus aucun champion du monde ne jouait au football. À ce jour, et ce 6 ans plus tard, seuls 3 sont encore en vie. Après avoir fait ce constat, le médecin rediffuse la finale du Mondial 2050 entre la France et la Chine et met pause. Il passe en revue l'effectif chinois. Chaque blessure, chaque mort, tout est énoncé. Mais il ne s'arrête pas là. Il sélectionne les joueurs français un par un. Le gardien de but, Zumbinda, a terminé sa carrière 1 an après le Mondial. Avant cela, il a occupé l'infirmerie du club corse dans lequel il jouait pendant 7 mois à cause de son tibia. Blancbag, Delpino 50, Coca, Dil 48, Eric BH, Grit 71, Nabir 69, Moon Forever, Bourgagnier 02, Riti 34-02 et Wolf 75 ont connu la même trajectoire. Benoît et le chapeau ont été un peu plus chanceux, mais aujourd'hui, ils ne peuvent plus placer un pied devant l'autre. Les seuls qui manquent à cette liste se nommaient Killer Crush 23 et Fightson. Le nom du coordinateur peut donc y être ajouté. Le médecin espagnol indique que Fightson ne fait pas partie de cette énumération et pour cause, il n'a pas pris part au voyage sur Mars. Chaque joueur ayant été sur la planète rouge a connu une fin de carrière triste. Certains ont même connu une fin de vie terriblement souffrante. Le médecin est ici pour examiner les os de Killer Crush 23 et enfin déceler la bactérie contractée sur Mars et pouvoir empêcher la eSports Fédération d'envoyer de nouveaux sportifs sur la Von Braun Arena. Killer Crush 23 est médusé. Chapitre 35. Stop ou encore ? C'est un nouveau coup de Trafalgar pour le Québec. Cependant, le staff des gens du pays souhaite taire ses révélations. Ils veulent continuer l'aventure sans perturber le moral des troupes. Mais le destin des Québécois n'est pas tout rose. À croire que tout est fait pour réduire les espoirs de la sélection à néant. En effet, la Fédération québécoise de football a reçu un message de la eSports Fédération. Le dernier virement n'est pas arrivé sur le compte de la ISF. L'argent en cash de Romain et Totov 76 est la seule somme reçue. La cagnotte des internautes s'est perdue, tout comme l'argent proposé par un ancien rappeur français. Un nouveau problème financier vient donc secouer le football québécois. Les 2 investisseurs officiels ne peuvent pas combler ce trou de 8 millions de dollars PF. Il faudra donc trouver une autre solution, et surtout voir pourquoi la somme acquise, grâce au coup de pouce des supporters du Québec, n'a pas été reçue. Une nouvelle chasse au trésor commence, et il faudra trouver une solution pour le lendemain, date de la prochaine convocation en commission de la eSports Fédération. En parallèle de tout cela, la sélection doit disputer un match de préparation face aux États-Unis. Nul doute que les joueurs et dirigeants auront la tête ailleurs que sur le terrain. La rencontre est même menacée de report. Mais c'est mal connaître la sélection québécoise. Quoi qu'il arrive, les joueurs sont ici pour une chose, jouer au football. Pour l'occasion, les supporters ont convoqué deux nouveaux joueurs en qui la fédération a placé d'énormes espoirs. Mais avant la rencontre, lorsque les compositions des équipes sont dévoilées, une grosse incompréhension est observée côté québécois. Leur groupe a une place vacante. Quel joueur a été sorti de la feuille de match des gens du pays? Juste avant la rencontre, un des deux néo-internationaux a discuté avec la délégation américaine et a, subitement, décidé de se naturaliser dans le pays de l'oncle Sam. Le Québec est donc amputé d'un joueur à cause de ce machiavélique stratagème. Les supporters VIP américains étaient dans la confidence et avaient voté en masse pour subtiliser la nouvelle pépite québécoise. Un nouvel ex-international québécois venu gonfler les rangs des États-Unis, sélectionné avec le Québec en match non officiel, le joueur Wendett des Golden Stars de Vegas a opté pour une sélection qui voudra de lui et les États-Unis ont offert une chance à ce joueur qui pourra illuminer le prochain mondial. Avec deux joueurs qui ont tourné le dos à la sélection québécoise, les États-Unis veulent déstabiliser leurs voisins.